Amos chapitre 3. Enfants d'Israël, écoutez la parole que l'Éternel a prononcée contre vous, contre toutes les familles, dis-je, que j'ai tirées du pays d'Égypte, en disant, je vous ai connu vous seul d'entre toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je visiterai sur vous toutes vos iniquités. Deux hommes marcheront-ils ensemble, s'ils ne s'en sont accordés? Le lion rugira-t-il dans la forêt, s'il n'a quelque proie? Le lion se jettera-t-il son cri de son gîte, s'il n'a pris quelque chose? L'oiseau tomberait-il dans le filet sur la terre, sans qu'on lui ait tendu des pièges? Lèverait-on le filet de dessus la terre, sans avoir du tout rien pris? Le cor sonnera-t-il par la ville, sans que le peuple, en étant tout effrayé, s'assemble? Ou y aura-t-il dans la ville quelque mal que l'Éternel n'ait fait? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fera aucune chose, qu'il n'ait révélé son secret aux prophètes, ses serviteurs. Le lion a rugi, qui ne craindra? Le Seigneur, l'Éternel, a parlé, qui ne prophétisera? Faites entendre ceci dans les palais d'Asdo, et dans les palais du pays d'Égypte, et dites, assemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et regardez les grands désordres qui y sont, et ceux auxquels on fait taureau dedans d'elles. Car ils n'ont point su faire ce qui est juste, dit l'Éternel, amassant la violence et la rapine dans leur palais. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, l'ennemi viendra, et sera autour du pays, et il t'ôtera ta force, et tes palais seront pillés. Ainsi a dit l'Éternel, comme si un berger sauvait de la gueule d'un lion les deux jarrets, ou le bout d'une oreille, ainsi les enfants d'Israël, qui demeurent en Samarie, seront arrachés du coin du lit, et de leur asile de Damas. Écoutez, et protestez contre la maison de Jacob, dit le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées. Qu'au jour que je visiterai les crimes d'Israël sur lui, aussi je ferai visitation sur les autels de Bethel, et les cornes de l'autel seront retranchées, et tomberont par terre. Et je frapperai la maison d'hiver et la maison d'été, et les maisons d'ivoire seront détruites, et les grandes maisons prendront fin, dit l'Éternel.